Ce n'est pas une imitation TTC, non. C'est un vrai son de lover, sincère, et tout, en pas de composition, que des samples, comme t'en entends à la radio, ouais. Pour toutes les pucelles qui se doiteront dans leur chambre quand leurs parents ne seront pas là, que les vierges se fassent baiser sur ce son, ouais. À toutes les lovers, à toutes les loveuses, à tous les losers. Mes amis, ton bébé est bien pipé. J'ai des excès, bébé, je peux me sucer. Ah ouais, mais t'as fait. Comme ça, les autres quick dark ne seront pas contents. Mais mon pénis est bien plus grand. C'est très mal dans tes draps qui te fait jouir comme ça. Les autres quick dark ne sont pas contents. Mais mon pénis lui est bien plus grand. T'achètes tes mal rasés bébé, je vais m'en charger. Sinon il va falloir la changer. Je m'occupe de ton con comme une tondeuse à gazon. Une tondeuse de goudron, une tondeuse de garçon. Je rentre dans ton fion la baïonnette. Au canon la baïonnette, au phallus je suis honnête. C'est un plus, je rentre dans ta maison comme un tank. Je rentre avec mon son, tu sais plus à quoi t'attendre. Je rentre par la cheminée comme un père Noël bourré. Un père Noël foncé, un père Noël perché. De fashion au perles, au coticochène. Je te tiens par le cou parce que tu le sais, tu me plais beaucoup. Je te sur celui dans mon cou. Avec lui les mêmes trompes, plus le même goût, plus le même goût. Je suis pas amoureux mais fou. Tes amis de bébé, j'aime pipé. Je te suis ces bébé, tu fais pisser. Ah ouais, puis d'aspect, viens pomper. Je pompe pas d'aspect, viens pomper. Je suis tranquille avec ma copine. Je glisse ma main dans son pantalon. Elle m'arrête, me dit non mais t'es un gros con. Hey, je ne t'ai jamais prise pour une garce. Je t'assure que coucher avec ton mec ça n'est pas dégueulasse. Je ne glisse pas comme un gelasse, mais je n'ai pas pris part à la face. Une anticonformiste ne couche pas avec n'importe qui. Encore moins avec son petit ami. J'espère qu'il n'a pas de bêtises, cela serait nul. J'aime ton petit, mais si t'as envie je t'encule. T'es bientôt rempli comme la femme à Dudule. Je suis meilleur au cul que Bill Madame. Au début j'étais rempli. Quand je rentre je te le prouve blotti. Quand on rentre si tu veux du plaisir bébé, tu demandes garçon souple, sauce blanche. Quand cette garce a pris je l'aimais, elle n'a pas du tout apprécié. Je comprends qu'un bad trip t'es fait chier petite. Mais c'était pas une raison pour me rayer de ta bédiliste. Je comprends, je n'ai peut-être pas assez d'argent pour devenir ton amant. Je me habituerai ou je braquerai ta mère cran. Mes amis, ton bébé est bien pipé. J'ai des excès, bébé, je peux me sucer. Ah ouais, mais t'as fait, viens pomper. Je pense pas d'aspect, viens pomper. Sale petite fashion, bœuf messerie, tant qu'il en est temps. Sinon c'est la crise cardiaque à ta maman. C'est mes lyrics sont obscènes, c'est parce que le sexe m'obsède. Mon sexe te concerne, t'as compris. T'as des règles pendant la randonnée, des boules qui te pendonnaient. Pas de rendez-vous, de boules d'écran, tu peux abandonner. C'est quoi cette histoire de mec tactile, pas tactile? C'est toi la pucelle, alors arrête tes excuses débiles. Moi j'adore le sens du toucher. Surtout quand c'est mon pénis, c'est mon sens préféré. Tu peux me baffer bébé, je m'en branle. Le SM ne me fait pas flipper, bien s'échange. J'arrive, tu peux t'écarter ou écarter tes jambes. Ensemble on va rentrer dans la légende. C'est pas la légion d'honneur, donne-moi ta chatte. Je la bouffe comme un donut. Si tu as besoin d'un monde, n'oublie pas que je suis d'honneur, mais je préfère la jouissance, la sincérité dans mon cœur. Je suis l'amant le plus gentleman, le seul qui te demande des nouvelles de ta femme. Tes amis, ton bébé, viens pipper. Je te suis ce bébé, tu fais le sucer. Ah ouais, puis d'aspect, viens pomper. Je pompe pas d'aspect, viens me pomper. Tes amis, ton bébé, et viens pipper. Je te suis ce bébé, tu peux me sucer. Ah ouais, mais t'as fait, viens pomper. Je pense pas d'aspect, viens pomper. C'est marrant maintenant, tu passes ton temps à me coller. Depuis quand est-ce que tu sais que je suis doué? Faut que tu sais, elle sort du lit, allume sa clope et va. Au fait, passe le bonjour à ton mec de ma part. Ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui font le moins. Comment veux-tu que je me fasse plein de gadgets avec cet eczéma? Alors je me masturbe avec frénésie, espérant que ça passera.